Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. J'ai quelques préventions avant de prendre la parole parce que ça va vous paraître très très exotique. Moi, je suis donc chercheur et enseignant en droit privé. Donc, je vais parler de la propriété privée. Je vais en parler dans ses formes actuelles et dans ses discussions actuelles, donc pas du 19e siècle, même si les tensions idéologiques, justement pour construire ces modèles, remontent à des discussions évidemment du 19e siècle, du 18e siècle et puis aux communautés anciennes. Donc on va retrouver évidemment des tensions, mais je ne les exploiterai pas en tant que telles. Et puis deuxième avertissement, c'est que je participe, et c'est une grande richesse pour moi, mais du coup le propos est un petit peu décalé aussi. Je participe à un groupe de recherche qui s'appelle Propis, qui est un groupe de recherche entre économistes et juristes, et qui cherche précisément, on a vu ce matin ces interrogations surgir, la troisième voie entre État et marché dans la lignée des travaux de Eleonore Ostrom. Donc plutôt sur des communautés qu'elle appliquait, l'idée de communauté sur des biens matériels, et cet axe de recherche Propis tente de l'exploiter sur l'immatériel. Donc on est sur des chemins qui sont peut-être un peu différents des références qu'on a traitées ce matin, mais en fait qui ont beaucoup de résonance. Alors pourquoi les juristes de droit privé ont quelque chose à dire, ou certains en tout cas? Parce que je vais d'abord faire quelques constats. Premier constat pour les juristes actuels, c'est qu'ils ont été confrontés à une montée en puissance qu'on peut dater des années 50, 60 et puis 80, des appels au commun. On a parlé de patrimoine commun, on a parlé de reconnaissance de biens communs, de choses communes, que ce soit les patrimoines communs de l'humanité, patrimoine commun de l'Union européenne, patrimoine commun de la nation. Et l'Antarctique, par exemple, qui est le premier patrimoine commun, comme l'espace extra-atmosphérique, comme l'espace lunaire, comme les fonds marins, comme les ressources des fonds marins, ce sont tous ces patrimoines communs qui ont fait quand même naître chez les juristes, qu'ils soient privatistes ou publicistes, cette interrogation sur quelle qualification on peut utiliser, parce que nous, ce qui est très important, c'est la qualification qui entraîne un régime, puisqu'on est normatif. Donc on a besoin des qualifications et de les mettre à l'épreuve pour déterminer si elles sont correctes. Dans le monde anglo-américain, ce sont les commons, les global commons. Donc on a eu toute cette montée en puissance de l'appel au commun. Alors évidemment, ça représente une rupture pour les juristes français de la vieille Europe. Ça représente une rupture très très importante qu'il ne faut pas négliger. Pourquoi ? Parce que l'idée de propriété commune chez les privatistes est une idée qui a été complètement refoulée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la propriété publique, le domaine public, a été la forêt qui a caché l'arme. C'est-à-dire qu'on a, dans notre univers, été refoulés, nous les privatistes, vers la propriété privée, et tout ce qui était communauté, propriété sociale, je grossis le trait hein, évidemment, mais était caché sous le domaine public, sous la propriété publique, c'était l'État, et on n'a pas eu d'interrogation sur ces propriétés collectives communes. Ça, c'est le premier refoulement. Et le deuxième refoulement, il est très historique, il a trait à la construction idéologique des juristes français, allemands également. Ils ont deux patrimoines idéologiques. Le premier, c'est le droit romain, bon, qui était totalement différent du point de vue de la construction de l'individu, de la négation des droits. Ça n'existait pas en tant que tel. La propriété était une immanence, une puissance sur les biens, mais pas du tout un droit. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, fondement idéologique, c'est la rupture de 1789. Ils se sont arrêtés là. Donc c'est vrai que toutes ces théories sociales de la propriété, elles ont traversé certaines théories, Duguay, Josserand, Saleil pour certains côtés, mais ne se sont pas installées dans le code civil qui date de 1804. Et le code civil, c'est une rupture par rapport à leur deuxième fondement donc idéologique, qui est la propriété simultanée. on sort de la propriété de la terre qui n'était pas encore laïcisée, donc c'est très compliqué d'en faire une transposition aujourd'hui, mais l'idée était que on avait vassalisé, asservi les personnes dans leur rapport au bien, que pour avoir l'accès aux terres, l'accès à un bien, il fallait passer par une obligation personnelle envers son seigneur. Il y avait la distinction du domaine utile, du domaine éminent, et donc l'obligation personnelle vis-à-vis des biens était quelque chose qu'il fallait absolument rejeter, que la Révolution française devait absolument rejeter. Donc on a construit l'idée de propriété sur l'idée qu'il ne fallait absolument plus de propriété simultanée puisqu'elle avait signifié l'asservissement personnel. Donc on se retrouve effectivement avec l'idée de propriété qui est défendue par l'article 544 du Code civil, qui est un des plus grands articles du Code civil pour les juristes dans leur imaginaire collectif, qui est que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Et on sort donc de 1789 avec cette idée d'une propriété exclusive, absolue, totalement individuelle, sur laquelle on ne doit avoir aucune concurrence, qui est encore une idée très très prégnante dans la doctrine majoritaire des juristes. Donc on a eu beaucoup de difficultés à accepter qu'on puisse avoir une idée de propriété commune, collective, à l'admettre en dehors de l'État, à qui on a, nous, remis le bébé de la collectivité sans se préoccuper de ce que ça pouvait signifier. Alors pourquoi il y a une rupture actuellement, mais elle est très minoritaire, hein, je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'est très représentatif d'une doctrine majoritaire qui défend la propriété absolue toujours, bien sûr, et, ou qui admet des modèles parallèles mais pas concurrents. Pourquoi on a cette interrogation actuelle? Pour deux raisons. La première, ce sont les ressources matérielles, c'est-à-dire que la raréfaction des ressources matérielles, les préoccupations environnementales, font qu'on est obligé de redécouvrir l'idée que l'environnement, la nature, le milieu est un bien commun et de déterminer quel est le régime qu'on va lui appliquer sans le laisser à la propriété privée ou en tout cas en en discutant. Et la deuxième raison, je schématise toujours à grands traits, la deuxième raison elle a trait aux ressources immatérielles et ça c'est plutôt l'accès, l'axe de Propice précisément. C'est la théorie des anticommuns qui a fait son chemin et l'idée est de dire que les droits de propriété intellectuelle se sont tellement étendus, ils ont un domaine tellement vaste, les durées de brevets par exemple sont tellement importantes qu'on privatise les connaissances, on privatise l'information et on empêche l'innovation. Et donc il y a cette théorie des anticommuns, je ne reviens pas à la théorie des communs, ça serait long ici, mais il y a cette théorie des anticommuns, théorie américaine, selon laquelle on a trop privatisé les connaissances pour que l'innovation puisse encore avoir lieu et qu'il faut revenir sur une certaine propriété intellectuelle. C'est bien sûr tout à fait en discussion, c'est une thèse en soi, mais il y a ces deux raisons qui font qu'il y a beaucoup de réflexion et puis de concrétisation, hein, que ce soit l'open data ou les logiciels libres, les œuvres libres, on a des créations qui appelle la discussion. Alors, si on veut essayer de voir quels sont les modèles qui sont à disposition des juristes pour précisément accompagner, devancer, proposer le mouvement, on peut en fait avoir plusieurs axes de recherche. Ça, c'est le travail que je fais précisément dans Propice. Premier axe de recherche, il faut bien voir qu'il y a plusieurs finalités qui sont recherchées quand on construit un commun ou qu'on en appelle au commun. La première finalité qui est très très visible, et c'est celle qui est prégnante dans la nature, dans l'environnement, le milieu, la conservation, c'est précisément qu'on puisse en avoir un usage partagé. Première finalité, le partage, l'usage partagé. Puis il y a une deuxième finalité qui est la conservation, et l'appel aux générations futures est quelque chose qui est à nouveau remis dans le débat et qui est revenu ce matin à plusieurs reprises, et il est très très fréquent dans le débat actuel, évidemment, et la résonance n'est pas du tout anodine. Donc il y a cet usage partagé, cette finalité aussi de conservation, il y a la finalité de transmission, qui est plutôt prise en charge par les patrimoines, on va le voir, et puis il y a une finalité qui est très particulière aux propriétés intellectuelles, à l'idée de pouvoir créer à partir de ressources que d'autres ont mis en collectivité, c'est la fonction que Benjamin Coria appelle l'additivité, la possibilité à partir de ressources qui sont mises en communauté comme le logiciel libre de créer à nouveau une ressource, de la différencier et puis d'aller de l'avant en termes d'innovation. Donc on a plusieurs finalités, on peut classer les communs en fonction de ces finalités. Ce n'est pas très porteur, ça n'est pas l'axe que je choisis. Le deuxième axe, c'est qu'on peut raisonner différemment en fonction du type de ressources. C'est vrai que Elinor Ostrom, par exemple, elle raisonnait par rapport aux communautés forestières, aux communautés de pêcheurs, donc les poissons, la forêt. Et les ressources matérielles sont épuisables. Pour les économistes, ce sont des biens rivaux. Donc on n'a pas les mêmes préoccupations en termes de conservation que les ressources immatérielles, qui sont des biens publics non rivaux. Tout le monde peut les utiliser sans les épuiser, et ça ne donne pas la même chose, effectivement, du point de vue de la conservation. Mais, à mon sens, ça n'est pas très porteur non plus, ou ça n'est pas la seule distinction qu'il faut faire. Ce qui est, pour moi, plus porteur comme distinction, sont les distinctions en termes précisément de titularité de la propriété, qui est une expression qui est totalement paradoxale. Hein. Soit on est propriétaire en droit privé, soit on l'est pas, mais on n'est pas titulaire de la propriété. Donc je m'expliquerai là-dessus, mais qui a la propriété du bien, et est-ce qu'on peut être plusieurs propriétaires, et quelle est la voie qu'il faut exploiter? Alors il y en a deux, je vais les exploiter rapidement, juste poser quelques jalons. La première voie, c'est d'élargir le cercle des propriétaires, d'être propriétaire à plusieurs, de faire une collectivité, d'accepter la communauté, et d'élargir donc tous ceux qui peuvent avoir une prérogative sur le bien. Et la deuxième direction, qui à mon sens est plus porteuse, mais ça n'est que du personnel, c'est de conserver une certaine propriété privée, ça rejoint une question qui a été posée ce matin, tout en reconnaissant une certaine finalité au bien, certaine destination au bien. On a un retour en fait de la question des biens destinés en droit, qui est très très importante en ce moment. Et donc accepter la propriété privée, mais accepter que certains biens aient une finalité qui transcende l'utilité individuelle de leur propriétaire et que ça donne des droits à d'autres personnes. Alors voilà les deux directions, et quelles sont, maintenant je vais juste vous indiquer les qualifications dont on dispose pour faire ça. Alors la première direction, c'est d'élargir le cercle des propriétaires, des titulaires ou des non-propriétaires, mais un cercle de personnes qui auraient les mêmes droits sur les choses, et quelle est la qualification qu'on a. Alors la première qualification qu'on a, et qui est très très ancienne, c'est une qualification romaine, et qui est celle sur laquelle on a vécu jusqu'au XXe siècle. C'est celle de chose commune, c'est l'article 714 du Code civil, qui est une très belle notion, la chose commune, très romaine, même sacrée, très belle, très chargée, mais qui a été complètement marginalisée. Parce que la première version des choses communes, c'est une version naturaliste, c'est-à-dire que sont choses communes des choses qui ne supportent pas l'appropriation privée naturellement. Parce que, par exemple, la mer ne peut pas être privatisée, on n'y arrive pas. L'air, l'eau ne sont pas privatisables. Donc la version naturaliste de la chose commune, qui, j'ai oublié de dire, la définition, c'est qui appartiennent à tous. C'est une très belle définition. Tout le monde en est propriétaire. Mais on va voir que ce n'est pas ça, en fait. Mais l'idée était que c'était naturellement non appropriable. Et puis, est revenu dans les dernières années en France, on est très en retard hein, en France sur toutes ces pensées, donc c'est les années 80-90, hein, est revenu une version plus normative. Il faut décréter que certaines choses sont communes, appartiennent à tous. Et là, on a parlé de l'environnement comme une chose commune. Alors le problème de la chose commune, qui présente en termes de qualification une très grande limite, c'est que ça n'est justement pas une propriété, ça n'est pas une appropriation, c'est une non-appropriation. Personne n'a le droit de s'approprier les choses communes, ce que Proudhon décrivait comme des communautés négatives, ça c'est très beau aussi, la communauté négative. Mais précisément, si on l'applique à l'environnement, qui a été la première proposition, ça veut dire qu'on rate toutes les finalités, parce que si personne ne peut se l'approprier et si l'usage appartient à tous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'usage hein, qui appartient à tous. Maintenant, je dévoile complètement la définition. Si l'usage appartient à tous, c'est qu'on est dans la fable de Hardin, c'est-à-dire la tragédie des communs, Tout le monde va pouvoir l'utiliser, tout le monde va pouvoir la dépenser et il n'en restera plus, ça ne survivra pas à l'usage. Donc, ça ne correspond pas aux finalités d'usage, de conservation, de transmission aux générations futures. En revanche, ça correspond plus, par exemple, aux créations du numérique. Faire du logiciel libre, attention, ce sont des libres par contrat, donc c'est d'autres constructions, mais ça correspond plus aux biens immatériels, à l'information comme chose commune, à l'Internet comme chose commune. Là, oui, on est plus dans un usage partagé par tous. Mais ça ne remplit pas toutes les fonctions qu'on veut faire remplir au commun. Deuxième qualification, ce sont les biens publics ou les biens communs. Alors là, j'espérais que Carlos en parle parce que c'est la propriété publique, c'est le domaine public, c'est l'affectation de biens publics qui présuppose que l'État prenne en charge chez nous, en tout cas jusqu'à présent, que l'État prenne en charge cette collectivité, cette collectivisation, cette affectation du bien. Les privatistes, en général, s'en déchargent tranquillement. Mais il y a toute une discussion, effectivement, que je ne vais pas reprendre parce que ça serait très très long, mais sur le domaine public. Et notamment, par exemple, une discussion, je vous cite juste une discussion très très actuelle, qui est une discussion sur le domaine public intellectuel. Est-ce qu'on ne peut pas, et c'est le rapport Lescure, par exemple, qui vient de sortir, est-ce qu'on ne peut pas avoir une définition positive du domaine public intellectuel? Parce que pour l'instant, par exemple, quelles sont les œuvres qui tombent dans le domaine public? Ce sont des œuvres qui n'ont plus de droit privé, qui sont sorties du droit d'auteur, qui sont sorties, pas du droit d'auteur moral, mais qui sont sorties du périmètre de l'auteur. Donc, est-ce qu'on ne peut pas décréter que certaines œuvres tombent dans le domaine public, définir le domaine public? Bon, on voit qu'il y a un appel actuellement à une délimitation publique de certains biens pour des destinations collectives, mais ça présuppose effectivement d'accepter cette propriété collective, qu'elle s'organise et que ce soit l'État, dans notre situation, qui le prenne en charge, ce qui n'est pas le cas de toute... Les discussions dans d'autres États où on a beaucoup plus, de façon beaucoup plus apparente, la discussion sur des biens communs, au sens une collectivité prendrait en charge ses biens, ses communautés. Par exemple, dans Propice, Sarah Van Nieuwkerk fait des terrains au Maroc où on réintroduit des biens communs agricoles. Donc, il y a toute une redécouverte de biens communs qui ne sont pas pris en charge par l'État, mais c'est vrai que dans notre inconscient ou conscient de juriste français, l'État est tout de suite appelé pour prendre en charge un bien public. Alors, ça ce sont, et je passe vite, hein, très vite, des constructions où on voit bien que par l'intermédiaire de l'État ou par l'usage par tous, on élargit les personnes qui ont accès au bien par une sorte de titularité sur le bien, une propriété ou en tout cas un accès aux usages qui est pour tout le monde. Alors une autre voie, j'y viens, est de reconnaître qu'on peut articuler la propriété privée avec d'autres destinations du bien. Alors ça c'est une optique un petit peu différente qui mêle deux choses, qui mêle la propriété privée, qui ne la contourne pas, et qui mêle l'idée, l'acceptation en tout cas, que l'usage exclusif par le propriétaire n'est pas partie intégrante de la propriété, ou n'est pas forcément partie intégrante de la propriété à partir du moment où certains biens ont une destination particulière. Je m'explique là-dessus. Pourquoi c'est intéressant comme qualification, avant de m'expliquer peut-être, c'est parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on va concevoir le propriétaire comme un dépositaire du bien et que des droits de tiers, d'accès, d'usage, vont être reconnus sur son bien. Alors, comment on peut faire ça? Il y a eu deux types d'articulations qui sont proposées, qui sont même appliquées. La première articulation, ce sont les patrimoines communs. Normalement, dans les définitions des patrimoines communs, notamment internationaux, il n'y a pas de propriété. Ce sont des régimes de non-appropriation. Par exemple, l'Antarctique, les ressources des fonds marins, l'espace extra-atmosphérique, Dans la pureté des patrimoines communs, au début, il n'y avait pas d'appropriation. Maintenant, il y a une indifférenciation. Ce sont des ressources qui peuvent être appropriées comme non appropriées. Donc on a décrété certains patrimoines comme communs pour les isoler de la circulation marchande et pour les protéger en termes de conservation, en termes de transmission. C'est pour ça que je disais, l'idée même de patrimoine qui vient des pairs contient l'idée de transmission aux générations futures, et c'est pour ça que ça a été très appliqué pour l'environnement ou pour d'autres ressources. Bon, ça, ça présente des limites. Bien sûr, là, c'est très schématique. Cette qualification présente des limites, elle est en perte de vitesse parce qu'elle présuppose une volonté politique parfois internationale qui n'arrive pas évidemment à passer outre des tensions nord-sud où les pays du sud vont dire « Très bien, moi, mes ressources, je les garde, je ne suis pas en train de défendre l'environnement, je n'ai pas encore atteint ce stade où je peux me permettre de défendre l'environnement sans utiliser mes ressources. » Donc, c'est une qualification qui est en perte de vitesse et qui demande beaucoup de décisions politiques, parfois internationales. En ce qui en demande moins, et ce qu'on a parfois sous les yeux sans le voir, c'est ce qu'on pourrait introduire comme une logique de l'accès sur les traces de Jérémy Rifkin. L'idée est la suivante. Alors lui, il l'a théorisé comme la logique de l'accès. Un autre auteur belge très important, qui s'appelle François Host, appelle ça la transpropriation. Et l'idée est la suivante, c'est que la propriété privée n'est pas forcément exclusive, ou en tout cas qu'on peut reconnaître certains accès aux utilités du bien à des tiers. Alors, Rifkin, par rapport à François Host, quel est son apport? Il est intéressant parce que lui, il a toute une redéfinition de la propriété privée aujourd'hui, qui ne serait plus précisément cette autarcie matérielle sur les biens. Je me préserve des liens personnels, je suis autarcique sur mes biens, c'est un droit fondamental, parce que sinon, si j'ai à passer par une autre personne pour avoir l'utilité de mon bien, je suis asservi. Ça, c'était la vision du XVIIIe siècle. Sur laquelle nous, les juristes, on a beaucoup vécu. Et ce qu'il redessine aujourd'hui, c'est l'idée, et il va s'en servir ici, que la propriété, dans un monde ultra connecté comme le nôtre, c'est l'interdépendance, c'est avoir le droit de participer, d'accéder à certaines ressources. Et donc, il a effectivement l'idée que la propriété, comme droit d'accès à certaines ressources, ça présuppose que d'autres supportent sur leurs biens de l'accès de certains tiers. Alors évidemment, toute la question sera de définir quelles ressources on peut peuvent justifier de cet accès. Alors par exemple, chez François Host, c'est très très clair, il a construit cette idée de transpropriation pour les biens environnementaux. L'idée qu'on peut conserver la propriété d'un bien, d'une terre agricole, d'un bien qui participe d'un certain milieu, d'un certain environnement. Tout ça est tout à fait possible. La propriété, on peut la conserver à partir de supporter des charges, et on va rejoindre l'urbanisme, dont on parlera plus tard, mais à condition de supporter des charges de préservation de l'environnement. Alors cette idée, pour un privatiste de base, elle paraît vraiment, vraiment très exotique. Mais pourtant, on a une matrice qui est incroyable, hein, qui est quelque chose, une institution sur laquelle on vit depuis 1913 et qui n'a pas cessé d'essaimer depuis, c'est le régime des monuments historiques. Le régime des monuments historiques, je rappelle juste que les monuments historiques sont détenus à 50% par la population française. À 50% sont des propriétés privées, ce qui n'est pas sans poser problème de financement, de la réfaction, des travaux, etc. Mais depuis 1913, et celui à qui il faut rendre à César, ce qui appartient à César, c'est Saleil, qui est un grand, grand juriste et que les politistes exploitent pour d'autres raisons, mais qui est un grand privatiste aussi, lui avait l'idée qu'une œuvre d'art, il l'a défendue alors que personne n'écoutait rien sur le modèle italien en 1897, mais l'idée la suivante, c'est que l'œuvre d'art appartient autant à son propriétaire matériel qu'au public à laquelle elle est destinée. Et donc, il y avait cette idée que entre la propriété publique et le propriétaire matériel de l'œuvre, il y avait des destinataires que le propriétaire matériel de l'œuvre n'avait pas le droit de barrer dans leur usage. Et du coup, tout ça a été inaudible jusqu'en 1913, où par une conjonction de circonstances, on fera voter la loi de 1913, qui va dire, oui d'accord, on va conserver la propriété privée des monuments historiques, mais à charge pour le propriétaire de ce monument d'être totalement, pas totalement, mais d'accepter des charges, parce que le bien culturel est un bien qui n'est pas comme les autres, qui est destiné à son public, qui est destiné, qui va au-delà de l'utilité individuelle du propriétaire. Et donc l'idée qui s'impose, c'est par exemple que vous devez garantir certains usages pour des tiers, ça va passer par l'obligation fiscale. Vous allez être favorisé fiscalement si vous ouvrez votre monument historique 2 jours par an. Ou alors, la conservation du monument, eh bien, vous devez être autorisé à la faire, à faire si vous faites des travaux, vous êtes autorisé par un service étatique qui vous dit si c'est correct ou pas avec la destination du bien. On s'est tellement habitué à cette image du monument historique qui est... C'est multiplié, hein. On a les jardins extraordinaires, on a des labels de toutes sortes, on a tous ces biens culturels qui ont été soumis à une sorte de propriété avec accès, avec charge, dont on ne se rend plus compte, mais qui est une prise en compte, effectivement, de la communauté qui est autour, du bénéfice, de l'usage et de la conservation pour les générations futures, donc qui est une prise en compte de la communauté qui entoure le bien. Et il y a d'autres exemples, hein, même internationaux, de ces propriétés privées qui sont chargées d'usage collectif, de destination collective, voire de transmission collective. Je ne veux pas charger plus mon temps de parole. Oui, vous avez encore 2 minutes si vous voulez. Alors, je donne le dernier exemple, qui est un très bel exemple, qui ne marche pas du tout, mais qui est au moins un très bel exemple théorique, qui est en matière immatérielle. Là, j'ai parlé des choses matérielles, l'environnement, les biens culturels, enfin les biens environnementaux, les biens culturels. Il y a un dernier exemple qui montre bien les tensions politiques, hein, du commun. Le dernier exemple, ce sont les médicaments antirétroviraux, les médicaments de lutte contre le sida, qui ont fait l'objet d'une discussion passionnante et pour cause dans les années 90, dans le cadre des discussions sur l'OMC, des accords ad pic, les accords de propriété intellectuelle dans le cadre de l'OMC. Et quelle était la discussion? Elle était évidemment vitale pour les pays du Sud. C'était que ces médicaments brevetés pour garantir le retour sur investissement des laboratoires pharmaceutiques qui les avaient créés, on est toujours dans une tension entre garantit le retour sur investissement et je garantis un certain usage pour des collectivités ou pour une communauté. Donc les laboratoires pharmaceutiques n'avaient évidemment pas intérêt à laisser l'usage des médicaments antirétroviraux pour rien. Et le prix en était très élevé parce que les recherches avaient été très élevées et parce que le retour sur investissement l'exigeait. Qu'est-ce qui a été négocié dans les accords ad pic en 94? Ça a été vraiment une belle discussion. Ça a été de dire les pays du Sud, certains pays du Sud, n'ont pas accès à cette ressource vitale. Donc là, on voit le bien vital apparaître. Et n'ont pas accès à cette ressource vitale, il faut absolument qu'on ménage un accès à des communautés ou à des personnes, en tout cas. La communauté des malades, ou en tout cas des personnes, au-delà de la privatisation du bien ou de cette propriété privée. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme moyen? On a trouvé comme moyen où on a réexploité, étendu un moyen qui existe déjà, qui sont les licences obligatoires, c'est-à-dire la possibilité d'imposer à un laboratoire pharmaceutique qui détient le brevet qu'un État, l'Inde et le Brésil en l'occurrence, qui en ont les pouvoirs et qui se sont lancés après dans les génériques, de créer à partir de l'invention leurs propres médicaments. Alors, ça a été complètement contourné, ça a été très peu exploité, ça n'a pas été mis en œuvre correctement. Il y a eu plein de, maintenant, d'accords bilatéraux qui font que les licences obligatoires ont été vraiment contournées, peu importe. C'est le même montage juridique, c'est-à-dire, je ne nie pas le brevet, c'est une lutte qui est difficile de nier le brevet, je ne nie pas le brevet, je l'accepte, c'est une privatisation, c'est une propriété privée immatérielle, on peut discuter de la qualification évidemment, mais je ménage un accès parce que, en l'état, elle ne peut pas être totalement exclusive. Donc on a cette même articulation possible en termes d'accès, et Rifkin en faisait d'ailleurs des besoins vitaux ou des ressources vitales, l'un de ses justifications, l'une de ses justifications pour défendre la logique de l'accès, ces besoins vitaux permettent justement ou justifient qu'on ménage un accès à certains biens immatériels. Voilà, j'en termine là. Merci beaucoup.